Yeah. MC Polo, Sad Boy, Fizzy. On laisse couler l'inspire et on respire. Yo. 1. On se connecte, poète à nos heures perdues. Génération internet, on pose des textes sur instru. On se creuse la tête, reflète notre point de vue. Et on manie les lettres en quête d'un peu de vertu. Car trop d'amertume, écrire c'est notre évolution. Et tout nous perturbe, on tente d'évacuer la pression. Les galères de tube, on s'entraîne près du fond. Alors on s'assure de remonter avec le son. On vit sur un garçon qui fond dans un verre de vodka. Fissant l'âge des fréquentations, je sens venir la rodka. Tous les mauvais garçons veulent te baiser sans podcast. En façon, je mets les chansons sur podcast. Ils veulent qu'on se calme, on se casse. On reste en contact, on trace pas notre chemin, on dérapasse. On marche en sous-marin avec Cyboy et Fizzy. On vient contrôler le terrain comme la mafia en Sicile. On laisse couler l'inspi. Tu connais la chanson, si t'es sous les respires et prête attention. On revient fouler l'inspi. Suffit à la maison, tout fait couler inspi. Partisans les partitions, on laisse couler l'inspi. Tu connais la chanson, si t'es sous les respires et prête attention. On revient fouler l'inspi. Suffit à la maison, tout fait couler inspi. Partisans les partitions. Quand on se lâche sur l'instru, ça donne un gros dawa. Le micro on le lâche pas, tu peux en V3. On met des doigts à la justice, à la police, on met des watts. Et tu frises d'avoir une crise, foutre le voyant serpent. C'est la seule condition, elle habille fait pas le moine. Comme le dit le dicton, mais ta bite a trop la trique. Quand on kick la rythmique, c'est magique, c'est fantastique. Comme un crime artistique, alors respire. On se fait juste plaisir au micro, on transpire. Le vieux fera et le nouveau, on s'inspire. De ce que l'on voit autour de nous, gros ce qui nous attire. C'est des gros sons et des micros, vas-y arrive. Faut foutre le sou, qu'on fasse des trous, et si ça déchire. C'est qu'on est à partie, si toujours foncé au micro, Sad Boy, MC Polo, Fizzy. On laisse couler l'inspi, tu connais la chanson, si t'es sous les respires, et prête attention. On revient fouler l'inspi, suffit à la maison, tout fait couler inspi, partisans les partitions. On laisse couler l'inspi, tu connais la chanson, si t'es sous les respires, et prête attention. On revient fouler l'inspi, suffit à la maison, tout fait couler inspi, partisans les partitions. Quand je prends le mic, certains disent qu'il vaut mieux se sauver. Moi je dirais qu'il respire encore tant que je n'ai pas posé. Sur l'instru sale, je fly, ne compte pas me poser. Si ta liberté est un rail, à toi de ne pas dérailler. Je crois bien qu'MC Polo a résumé le topo. On vit dans un monde de ouf, mais là je t'apprends rien. Le chrono à mes trousses, comme tout le monde, j'arrive à mes fins. Tout va trop vite, trop vite, trop vite, beaucoup trop vite. Comme ça, je prends conscience que notre terre s'effrite. Et qu'à la longue, on finira par la fumer. Comme un purée, je trouve le rap sur nos ondes tristes. Tellement formaté pour entrer dans leur matrice. On avance avec, on s'en inspire. Si t'as pas capté le morceau, je t'en prie respire. MC Polo, SAD et Fizzy se demandent combien de temps vous survivrez ici. Tous dans la même galère, on se vide. Je fais du son pour pallier au manque d'argent. Les rêves n'aboutiront pas en une seule vie. Demande autour de toi ce qu'en pensent ces gens. Tous dans la même galère, on se vide. Je fais du son pour pallier au manque d'argent. Les rêves n'aboutiront pas en une seule vie. Demande autour de toi ce qu'en pensent ces gens. Yeah. MC Polo, Sad Boy et Fizzy. On t'avait prévenu qu'on arriverait. C'est trop tard pour nous stopper maintenant. On est là, on lâche rien. Combatif. Yeah.